شرح القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى. وما زلنا في دراسة القاعدة الأولى. وقال المصنف رحمه الله تعالى في هذه القاعدة: القاعدة الأولى من هذه القواعد في أسماء الله تعالى. القاعدة الأولى: أسماء الله تعالى كلها حسنى، كلها حسنى. وذكر قال الله قول الله جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى في سورة الأعراف. Donc on va continuer inshallah sur l'explication des règles exemplaires concernant les attributs d'Allah Ta'ala et les noms sublimes ou les plus beaux noms. Et on est toujours sur l'étude de la première règle. Et la première règle qu'a mentionné l'auteur, fil qa'idati al-oula, il dit: les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala sont tous husna. Et donc maintenant, on peut rester sur le terme en arabe, puisque dans la dernière assise, on avait bien expliqué et explicité le sens de husna. Donc Allah Azza wa Jal nous dit dans son noble livre que ses noms, c'est-à-dire par lesquels il s'est nommé, sont husna. Et il nous dit à Allah appartient les noms al-husna. Et on a dit al-husna, c'est un superlatif en arabe. C'est le superlatif féminin du masculin al-ahsan. Au masculin, c'est al-ahsan. Et le superlatif féminin, c'est al-husna. Donc les noms d'Allah Azza wa Jal sont husna. Dans le sens, al-husna, ce sont les meilleurs, les plus beaux. C'est l'extrême perfection. Al-husna, comme on l'a expliqué dans la dernière assise. Ensuite, l'auteur nous a expliqué un enseignement très important concernant quatre catégories de mots et d'énoncés de Al-Fadh, et concernant une catégorie de mots qui dénote que la perfection. Et cette perfection-là, il est dit qu'en cette catégorie de mots, qu'elle dénote une perfection à l'extrême, qu'elle dénote une perfection et indique une perfection à l'extrême. Ceux-là sont les noms d'Allah. Ceux-là sont les noms d'Allah. Sinon, les autres catégories de mots qui peuvent indiquer une perfection, mais pas à l'extrême. Ou bien la catégorie de mots qui peuvent sous-entendre, ou bien induire, ou supposer une imperfection, une diminution, on ne peut pas nommer notre Créateur par ces mots-là. Des mots qui peuvent sous-entendre, par exemple, ou supposer une imperfection. On ne peut pas nommer le Créateur par ces mots-là. Pourquoi ? Parce que tous les noms d'Allah Azza wa Jal sont husna, de sorte qu'ils ne sous-entendent aucune imperfection ou supposent aucune imperfection. C'est la perfection à l'extrême. Et donc, dans cette règle-là, ensuite, l'auteur a mentionné des exemples de noms d'Allah Azza wa Jal. Comme il a cité Al-Hayy, le vivant. Et il a cité aussi, parmi les noms d'Allah Azza wa Jal, Al-Alim, Al-Alim, celui qui a la connaissance parfaite, la connaissance parfaite. Et on s'était arrêté lorsque l'auteur a mentionné le verset dans la sourate des bestiaux, le verset 59. وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ. Et dans ce verset, Allah Azza wa Jal dit qu'il a مَفَاتِحُ الْغَيْبِ, les clés de l'invisible, de l'inconnu, la yarlamuha, de tous les mystères. Personne ne les connaît, ne les détient, si ce n'est lui. Jusqu'à la fin du verset. Ensuite, dans ce verset, Allah Azza wa Jal dit wa yarlamu ma fil barri wal bahr. Et Allah se sait à la connaissance de ce qui se trouve sur terre et dans le monde marin, le monde terrestre et le monde marin. Et il n'y a pas une feuille qui tombe sans qu'il en ait la connaissance, et ni un grain dans les ténèbres ou l'obscurité de la terre ou les ténèbres de la terre, et ni une chose ratob qui est humide ou bien sèche sans que cela soit inscrit dans un livre bien gardé. Ou fi kitabin mubin, ici le terme dans un livre explicite. Une traduction relative. Qala ash-shaykh, l'auteur dans son commentaire a une belle parole concernant l'explication et l'interprétation du verset. Alors Allah Azza wa Jalla dans ce verset dit « Il n'y a pas une feuille qui tombe sans qu'il en ait la connaissance. » C'est-à-dire une feuille qui puisse tomber d'un arbre. « Illa ya'lamuha » sans qu'Allah subhanahu wa ta'ala en ait la connaissance. Nulle feuille sur terre ne tombe d'un arbre, quelle que soit la contrée, quelle que soit la position géographique, sans qu'Allah Jalla wa Ala en ait la connaissance. Et ensuite Allah Azza wa Jalla dit wala habbatin fi dhulumatil ard, et sans qu'un grain aussi soit fi dhulumat al ard, dans les profondeurs de la terre ou les ténèbres de la terre. Il est traduit dans le verset, il n'y a pas un grain dans les ténèbres de la terre, rien de frais ou de sec qui ne soit consigné dans un livre explicite. Et قوله في ظلمات الأرض, dans les ténèbres de la terre, جاءت مجموعة, on voit que les ténèbres sont citées, on voit مجموعة, et il dit وجاءت حبة نكرة في سياق النفي المؤكد بمن بمن فتشمل الصغيرة والكبيرة والذي يمكن أن يكون من الظلمات في حبة مندفنة في قاع البحر في ليلة ذات مطر في ليلة ذات مطر وفيها قطر قال. Regardez ce que l'auteur va dire. Il va nous donner une faïda concernant cet exemple qu'Allah Azza wa Jalla a donné. Il n'y a pas un grain qui soit dans les ténèbres de la terre sans que Allah Azza wa Jalla en ait la connaissance. Et il dit, ici on peut remarquer, on peut résumer cela à six ténèbres. On peut résumer cela, il dit, à six ténèbres. Il va mentionner sit dhulumat. Sit dhulumat. الأولى الطبقات التي غطتها في الأرض. الثانية البحر الماء. والثالثة الليل. والرابعة السحاب. والخامسة المطر. والسادسة القطر. Regardez ce qu'il dit. L'auteur dit, on peut ici remarquer six ténèbres. On peut rassembler ici le terme ténèbres qui est mentionné, 6. Du fait qu'il y a la première, les premiers ténèbres, où est ce grain? Vous allez comprendre la faïda que ce que veut nous enseigner l'auteur. La première, c'est qu'elle est enfuie dans les ténèbres de la terre. Donc, ça c'est at-tabaqat allati ghattatha fil ard. Ce grain, il est dans les ténèbres de la terre. Donc, il est enfoui dans la terre. C'est la première couche, si on peut dire de la sorte. Le premier ténèbre qu'il cite. Ensuite, al-thaniya al-bahr, ou dans la mer, c'est-à-dire l'eau. Wa-thalitha, troisièmement, al-layl, fi al-layl, dans une nuit. Al-rabi'a al-sahab, al-rabi'a al-sahab, il dit les nuages. Et al-khamisa al-matar, la pluie. Et il dit As-Sadisa al-Qatar. Al-Qatar, vous retrouvez ce terme dans un verset. Dans le verset, ce terme est traduit comme étant une sorte de poussière. Une sorte de poussière, certains l'ont traduit par une fumée noire. Mais Al-Qatar, c'est une sorte de poussière. Wallahu a'lam. Qala fas-sahabu dhulmatun wa in lam yakun hunaka matar والمطر ظلمة ثانية وذلك انظر للمطر إذا كان ينزل بينك وبين الجبل مثلا فإنه يحول بينك وبينه. Il dit juste les nuages c'est ظلمات. Il dit ظلمة, c'est quelque chose qu'on peut considérer comme obscurité, ténèbres. Et il dit même s'il n'y a pas de pluie, même si c'est dénué de pluie. وَالْمَطَرُ ظُلْمَةٌ ثَانِيَةٌ. Et la pluie aussi, c'est une deuxième obscurité et ténèbres. وَلِذَلِكَ انظُرْ لِلْمَطَرِ إِذَا كَانَ يَنْزِلُ بَيْنَكَ وَبَيْنَ الْجَبَلِ. Il dit, regarde la pluie lorsqu'elle descend entre toi et la montagne. السادس القطر. Ce qu'on vient de dire. إِذَنْ عَرَفْنَا الْآنْ سِتَّ ظُلُمَاتِ. Il dit, maintenant, on a appris six ténèbres. Six sortes d'obscurité. وَرُبَّمَا يَكُونُ هُنَاكَ ظُلُمَاتٌ أُخْرَى. Et peut-être qu'il y a d'autres ténèbres aussi, il dit. D'autres. فَاللَّهُ أَعْلَمُ. Et Allah est plus savant. فَهَذِهِ الْحَبَّةُ الصَّغِيرَةُ الَّتِي قَدْ لَا يُدْرِكُهَا الْعَيْنُ الْمُجَرَّدَةُ إِذَا كَانَتْ فِي قَاعِ الْبَحْرِ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي وَصَفْنَا فَاللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَعْلَمُهَا. قال وليس يعلمها فحسب بل هي في كتاب مبين مكتوبة وهذا دليل على عموم علم الله عز وجل وسعته وأنه لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. Et là c'est très pertinent ce que nous explique l'auteur. C'est pour ça que je voulais vous traduire cette partie là parce qu'on a dit on va pas tout traduire. Vous avez vu, le livre est assez volumineux, on va essayer d'avancer, mais je voulais vous faire partager cette faïda pour qu'on se rende compte de l'immensité, malgré qu'on ne pourra pas. Notre raison est limitée. On ne peut pas concevoir l'immensité, la grandeur, la perfection de la science d'Allah. Subhanahu wa ta'ala. Mais regardez, un grain ici. Que ce soit le grand grain ou le petit grain. Pourquoi ? Parce qu'il dit... Lorsqu'on regarde le siyaq, le contexte, le déroulement du verset, alors on a une sorte de pluriel qui vient dans un contexte indéfini. Puisque dans l'arabe, on a le contexte, al-ma'rifa, c'est le défini, ou al-nakira, c'est l'indéfini. Il vient dans un contexte négatif. Un déroulement, la phrase est négatif. Fi siyaq al-nafi, al-mu'akkad. Bi, il est muakkad, cela est confirmé par quoi ? Par la particule min. Min. Alors il dit, ça lorsqu'on observe ce style arabe, alors ça sous-entend une généralité, une globalité. De sorte que ça sous-entend aussi bien, ça englobe des petits grains ou les grands grains. As-sarirata wal-kabira. Wa ladhi yumkin an yakuna min adh-dhulumat في حبة مندفنة في قاع البحر في ليلة ذات مطر وفيها قطر أي أتربة مجتمعة وغيم كثيف. Et donc ce grain qui sera enfui sous la terre, dans les ténèbres de la terre, il est supposé que ça peut être dans une nuit. Le grain, il est supposé qui soit enfui dans la terre dans une nuit, ou une nuit où il pleut, une nuit qui est nuageuse, avec de la pluie, nuageuse, des nuages, ce grain petit ou grand enfui dans les ténèbres et l'obscurité de la terre, Allah Azza wa Jal nous dit qu'il en a la connaissance. Regardez, et lorsqu'on relit le verset, lorsqu'Allah dit wala habbatin fi dhulumatil ard, sans qu'il y ait un grain dans les ténèbres de la terre, c'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jalla en a la connaissance. Vous avez vu, lorsque on médite plus, et donc Cheikh Al-Uthaymeen nous fait partager cette méditation. On va continuer. Allah aussi dit dans un verset, dans la sourate Hud, le verset 6. Et l'auteur va faire allusion à ce verset. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. Il cite le verset 6 de la sourate Hud, où Allah Azza wa Jal nous dit une traduction relative du sens du verset, il n'y a pas une dabba. Dabba, certains dans la traduction du verset l'ont traduite par créature. Il n'y a pas une créature. On pourrait traduire par il n'y a pas une bête. Une bête sans que sa subsistance incombe à Allah. Sans que sa subsistance incombe à Allah. وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا. Ça, Cheikh Ibn al-Thaymin va l'expliquer. Écoutez ce qu'il va dire au sujet du verset, avant qu'on puisse donner une traduction française. Il dit الْمُرَادُ بِدَابَهْ كُلُّ مَا يَدِبُّ مِنْ ذَوَاتِ الْأَرْبَعْ وَغَيْرِ ذَوَاتِ الْأَرْبَعْ فَالْحَيَاتُ وَالثُّعْبَانُ تَدْخُلُ فِي هَذَا في هذا لأنها تدب والحيوان الصغير جدا الذي لا تدركه العين إلا بتعب. Regardez ce qu'il dit. Il dit donc que le terme ad-dabba englobe les bêtes. Les bêtes. Et il dit ça englobe aussi les bêtes qui rampent. Qui rampent. De sorte que, dans le verset, lorsqu'Allah dit « Il n'y a pas une bête, une créature, sans que sa subsistance incombe au créateur, s'englobe même les bêtes qui rampent. » Pourquoi ? Parce que ça vient du verbe « kullu ma yadibbu »« dabba yadibbu » c'est le fait de ramper sur quatre pattes, par exemple. Et d'autres bêtes qui ne rampent pas forcément sur quatre pattes, comme le serpent, « wath-thu'ban » aussi. Il dit, tout cela rentre dans le terme adab. Qala. Pourquoi? Parce que il dit tadibbu. Wal hayawan as-saghir jiddan. Même les petites bêtes. Même les petites bêtes. Allazi la tudrikuhu al-aynu illa bita'ab. Même les petites bêtes que même à l'œil, on pourrait très difficilement les voir, elles rentrent dans cela. Vous avez vu, parfois, il y a des petites bêtes, on a une difficulté à les percevoir. Eh bien, ces petites bêtes aussi, que vous avez difficulté, il dit, à percevoir, eh bien, celles-ci rentrent dans le terme. Qu'elle l'a dit, yujadu fil kutubi ahyanan. Il dit, comme certaines petites bêtes, parfois, qu'on peut trouver dans les livres. Mais ça, c'est pour les tours d'Abelaïl, machallah, on voit que le shikh, il était vraiment fil kutub. Il dit, même les petites bêtes qu'on peut trouver dans les livres, celles-ci rentrent dans cela. كالذي يوجد في الكتب أحيانا يدخل في هذا فهي ما عاشت إلا على رزق الله عز وجل. Qu'est-ce qu'il veut dire? C'est-à-dire qu'elles ne vivent en ayant le risque de la part d'Allah عز وجل. Elles vivent, toutes ces petites bêtes, elles vivent et leur risque, leur subsistance incombe au Créateur. Toutes les créatures qu'il y a sur terre, leur subsistance incombe au Créateur subhanahu wa ta'ala. Qala fahiya ma 'ashat illa 'ala rizqillahi 'azza wa jalla. Sinon comment elles vivent? Elles ne vivent que par la subsistance du Créateur. Que par la subsistance du Créateur. Fa ayyu dabbatin fil ard fa'ala Allah rizquha. Il dit donc il n'y a pas une bête sur terre, une créature sur terre sans que sa subsistance n'incombe au Créateur. حتى ما في بطون الدواب فإن رزقه على الله عز وجل. Il dit même celles qui sont dans le ventre des bêtes. Même ces bêtes qui sont dans le ventre. Leur risque, leur subsistance incombe au Créateur subhanahu wa ta'ala. Et là il va dire ويعلم مستقرها ومستودعها. La shir, je voulais pas traduire en français. Al-mustaqar ou al-mustauda. Ça, je voulais pas traduire en français. Pourquoi? Je vous traduis l'explication. Shir, il dit, al-mustaqar yom al-qiyama. Il dit, ça sous-entend yom al-qiyama. Le terme al-mustaqar, le jour de la rétribution. Wal-mustaudar, il dit ad-dunya. Donc le terme al-mustaqar, c'est relatif au jour de la rétribution, yom al-qiyama. Wal-mustaudar, ad-dunya. لأن الإنسان في الدنيا كأنه وديعة متى انتهى فارقه. Et c'est Ajib parce qu'il dit, pourquoi il dit le Mustauda, c'est relatif à la dunya dans le verset. Il dit parce que l'être humain dans cette vie d'ici-bas, c'est comme une wadi'a, quelque chose qui a été déposé en quelque sorte. Et matantaha faraqa, et lorsqu'il aura terminé, son délai viendra, il s'en séparera, il sera séparé de celle-ci. Wa qawluhu kullun ay kullun min hadhihi ad-dawab fi kitabin mubin. Al-murad bihi al-lawh al-mahfouz. Lorsqu'il est dit dans un livre explicite, il dit ce qui est voulu, c'est la table bien gardée. Donc tout cela est inscrit. Tout cela est inscrit. Et nous, en tant que croyants, en tant que musulmans, on croit, lorsque on dit qu'on croit en la science parfaite du Créateur, c'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal, avant que les choses se produisent, avant même qu'elles se produisent, Allah en a eu la connaissance, et en avait plutôt la connaissance. Et avant la création des cieux et de la terre, Allah en avait la connaissance de tout ce qui allait se produire sur terre. Tous les événements qui vont se produire sur terre, Allah en avait la connaissance. Et de ce fait, Allah a tout inscrit. Tout fut inscrit. Pour cela, il a créé Al-Qalam. Il a créé la plume et a dit à la plume, Uktub, écris. Il a dit, mais qu'est-ce que j'écris? Et la plume fut ordonnée d'écrire tout ce qui allait se produire sur terre. Regardez, il n'y a pas une feuille qui tombe sur d'un arbre. Il n'y a pas un grain qui soit dans les ténèbres de la terre. Rien se produit sur terre. Rien, sans que cela soit inscrit dans un livre bien explicite. Fi kitab al-mubin, fi lawh al-mahfouz. Avant même la création des cieux et de la terre. Tout cela a été consigné. Tout cela a été inscrit. C'est quelque chose d'immense. Et ça fait même partie de notre croyance en la prédestinée. Ça fait partie de notre croyance en la prédestinée. Pourquoi ? Parce que la première martaba, le premier degré dans notre croyance en la prédestinée, parmi les quatre, la croyance en la science. Ou ilm, la science d'Allah Azza wa Jal. Donc Allah n'a pas la connaissance des choses après qu'elles se soient produites, comme peuvent prétendre certaines doctrines. Allah n'a pas la connaissance après que les choses se produisent. Mais il avait la connaissance bien même avant que les choses se soient produites. Subhanahu wa ta'ala. كل هذا يدل على عموم علم الله تعالى والذي يقتضيه الإيمان بالعلم خشية الله والخوف منه وأن لا يضمر في قلبك ما لا يرضاه الله سبحانه وتعالى. Et tout cela nous mène à quoi? Tout cela nous mène à craindre notre Créateur subhanahu wa ta'ala. Apprendre ses noms, c'est apprendre à connaître le Créateur et donc à le craindre. Il dit, tout cela donc implique à connaître notre Créateur. Et ça indique la science d'Allah Azza wa Jal. Subhanahu wa ta'ala. Ensuite, l'auteur dit, c'était concernant le nom d'Allah Azza wa Jal, Al-Alim. Donc maintenant, Al-Alim, et on les reverra, Inch'Allah, les noms, dans un chapitre. Al-Alim, donc maintenant, on n'a plus besoin de le traduire, de lui donner une traduction. Ensuite, l'auteur donne comme exemple Ar-Rahman. Ar-Rahman. Souvent traduit en français, le tout miséricordieux. Le tout miséricordieux. Et certains le traduisent par l'infini miséricordieux. L'auteur nous dit, c'est l'un des noms d'Allah qui implique une miséricorde parfaite. Qui implique une miséricorde parfaite. Et comme on le verra dans une autre règle qui viendra, chaque nom d'Allah Azza wa Jal qu'on apprend dénote forcément un attribut de perfection. Dénote un attribut de perfection. Il y a le nom Et chaque nom d'Allah Azza wa Jal dénote un attribut de perfection. C'est-à-dire, du fait qu'Allah Azza wa Jal est l'infini miséricordieux, alors il détient l'attribut de la miséricorde. L'auteur dit, cela implique une miséricorde parfaite dont le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit dans un hadith, Allah est bien plus miséricordieux envers ses serviteurs que celle-ci envers son enfant. Que celle-ci envers son enfant. Et là, l'auteur fait allusion à un hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. إذن قال المصنف ومثال ثالث الرحمن اسم من أسماء الله تعالى متضمن للرحمة الكاملة التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لله أرحم بعباده من هذه بولدها يعني أم صبي وجدته في سبيه فأخذته وألصقته ببطنها وأرضعته فمتضمن أيضا للرحمة الواسعة التي قال الله عنها ورحمتي وسعت كل شيء وقال عن دعاء الملائكة للمؤمنين ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما Donc là, c'est en ce qui concerne la miséricorde. Donc, la miséricorde, l'auteur nous dit donc que Allah est bien plus miséricordieux envers son serviteur que celle-ci envers son enfant. C'est-à-dire qu'il fait allusion à Hadith. Ce Hadith concerne une mère. Une mère qui trouva son enfant en captivité. Elle le prit et le serra contre elle, contre son ventre. Et elle s'est mise à l'allaiter. À l'allaiter, elle l'allaita. Eh bien, Allah Azza wa Jal, sa miséricorde envers ses serviteurs est encore plus grande que la miséricorde de la mère lorsqu'elle retrouve son enfant en pleine captivité. Elle le prend, elle le serre dans ses bras, contre son ventre. Vous avez vu cette miséricorde de la maman et ensuite elle l'allaite envers son enfant. Là, le prophète sallam nous dit, Allah est bien plus miséricordieux envers ses serviteurs. Et donc, le croyant connaît son Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Et donc, celui qui ignore qu'Allah azza wa jal est le tout miséricordieux. Et qu'est-ce que cette miséricorde? Il ne connaît pas son Seigneur. Le croyant doit savoir qu'Allah azza wa jal est le tout miséricordieux. Et c'est pour cela que, dans un autre verset que cite l'auteur, Allah nous dit, ma miséricorde s'étend sur toute chose. Ma miséricorde s'étend sur toute chose. Et les anges, Allah nous informe au sujet des anges. Vous avez vu les anges, il est dit dans le verset, lorsqu'ils invoquèrent Allah, en faveur de qui? En faveur des croyants. Il y a un verset où Allah Azzawajal nous informe au sujet de l'invocation des anges en faveur des croyants. Et les anges disent, Rabbana, ô Seigneur, tu embrasses toute chose par ta miséricorde et ta science. Ô Seigneur, parce que les anges connaissent leur Créateur. Ô Seigneur, tu embrasses toute chose par ta miséricorde et ta science dans une traduction relative. Et donc, l'auteur lui ensuite va expliquer le hadith. Expliquer le hadith. Sauf que l'auteur, mashallah, pour les arabophones, il va vraiment expliquer le hadith avec en s'aidant bien sûr de certaines fawaït, certains enseignements dans la langue arabe. Nous, on va avancer. On va avancer, mais je réfère les frères, les arabophones, de revenir dans l'explication, une très belle faïda. Une très belle faïda du shir lorsqu'il va expliquer le style employé dans la langue arabe. قال المصنف رحمه الله تعالى. Ensuite, il dit: والحسن في أسماء الله تعالى يكون باعتبار كل اسم على انفراده ويكون باعتبار جمعه إلى غيره فيحصل بجمع الاسم إلى الآخر كمال فوق كمال. Et donc ensuite l'auteur, il termine cette règle, la première règle, avec un enseignement très important. Dans cette règle, qu'est-ce qu'on apprend ? Avant de passer dans la deuxième règle. C'est pour ça que je voudrais qu'on retienne bien les règles qu'on est en train d'apprendre. Pourquoi ? Parce que l'œuvre du shir, de l'auteur, c'est le but, c'est d'enseigner des règles liées au nom d'Allah Azzawajal et liées à ses attributs de perfection. Donc j'aimerais qu'on retienne bien la première règle. La première règle est toute simple, par laquelle l'auteur commence. La première règle, c'est de nous enseigner que tous les noms d'Allah Azzawajal sont husna. Donc, c'est très simple. Tous les noms d'Allah sont husna. C'est ça qu'il faut retenir de la première règle. C'est ça qu'il faut retenir de la première règle. C'est pour ça que parfois, on va passer des passages pour qu'on puisse avancer. Pourquoi ? Parce qu'on risque de se concentrer sur des fawaïd et d'oublier le plus simple, ce qu'il faut qu'on retienne. Qu'est-ce que veut nous enseigner le shir ici ? La première règle, c'est que tous les noms d'Allah Azzawajal sont parfait. Mais regardez ce qu'il va dire ensuite. Wal husnu fi asma'illahi ta'ala. Ce qu'il faut savoir, cette beauté et perfection des noms est liée à chaque nom de manière isolée. Chaque nom d'Allah Azza wa Jal, ils sont considérés comme al-asma'ul husna. Ils sont à l'extrême perfection. Ce sont les plus beaux noms de manière isolée. Mais parfois, si on les rassemble et ils sont cités, il va nous expliquer, de manière conjointe, ils sont liés, alors on rajoute perfection sur perfection. Alors il y a perfection sur perfection. Regardez. قَالَ وَيَكُونُ بِعْتِبَارِ جَمْعِهِ إِلَى غَيْرِ فَيَحْصُلْ بِجَمْعِ الْإِسْمِ إِلَى آخَرْ كَمَالٌ فَوْقَ كَمَالٌ. Lorsque, parfois, il peut y avoir une citation avec deux noms d'Allah Azza wa Jal cités conjointement, ça rajoute de la perfection. Pourquoi ? C'est perfection sur perfection. Il donne l'exemple. Il dit « مثال ذلك العزيز الحكيم » Et ce qui est très pertinent, c'est qu'en apprenant les noms d'Allah Azza wa Jal, ça nous permet de bien pouvoir aussi comprendre le Coran et méditer le Coran. Pourquoi ? Parce que dans maintes versets, maintes passages du Coran, beaucoup de versets se terminent par l'évocation de noms sublimes d'Allah Azza wa Jal. Et parfois, on voit que un nom est cité avec un autre nom. Comme par exemple ici, Al-Azizul Hakim. Al-Azizu Al-Hakim. Al-Aziz, c'est un des noms parmi les noms d'Allah Azza wa Jal. Wal-Hakim, c'est l'un des noms parmi les noms sublimes d'Allah Azza wa Jal. Fa'inna Allah Ta'ala yajma'u baynahuma fil Qur'ani kathiran. Fayakunu kullun minhuma dallan ala al-kamal al-khas alladhi yaqtadih. Qala, wa huwa al-izzatu fil aziz, wal-hukm wal-hikma fil hakim. Wal-jam'u baynahuma dallun ala kamalin akhar. وهو أن عزته تعالى مقرونة بالحكمة فعزته لا تقتضي ظلما وجورا وسوء الفعل كما قد يكون من أعزة المخلوقين فإن العزيز منهم قد تأخذه العزة بالإثم فيظلم ويجور ويسيء التصرف. Regardez, c'est très pertinent. Lorsqu'on prend, il dit, on essaie de comprendre les deux noms. On a par exemple Al-Aziz ou Al-Hakim. Al-Aziz, il fait partie des noms d'Allah. Allah se nomme, s'appelle Al-Aziz. Al-Aziz ou Allah. Qui est Al-Aziz ? Al-Aziz, c'est le détenteur de la Izza. Donc pour cela, comment souvent est traduit Al-Aziz ? Le Aziz, souvent, il est traduit par le Tout-Puissant. Al-Izza, qu'on pourrait traduire par la puissance, le détenteur de la puissance. Donc Allah Azza wa Jal, traduction relative, ça reste toujours rapproché, hein, surtout les traductions liés au nom divin. Ça reste des traductions rapprochées. Le cheikh nous dit, wa al-izzatu fil aziz. Donc al-aziz, c'est le détenteur de la izza. Wa al-hukm. Donc c'est celui qui détient la izza ou al-hukm. Allah subhanahu wa ta'ala. Pour cela, souvent, il est traduit par le Tout-Puissant. Al-Hakim. Maintenant, on a Al-Aziz ou Al-Hakim. Al-Hakim, c'est celui qui est détenteur de Al-Hikmah. Le détenteur de la sagesse parfaite. Une sagesse infinie. Parfaite. À l'extrême de la perfection. Pour cela, souvent, Al-Hakim, souvent en langue française, traduction rapprochée, il est traduit par le sage. Le sage. Lorsqu'il y a le jama' baynahuma, lorsque les deux noms sont cités, alors là, il y a perfection sur perfection. Si on peut dire de la sorte. On rajoute une perfection à une perfection. De sorte que هو أن عزته تعالى مقرونة بالحكمة. De sorte que la puissance du Créateur subhanahu wa ta'ala, la izza du Créateur Jalla Jalalu, elle est citée de manière conjointe avec Al-Hakim, le détenteur de la sagesse à l'extrême perfection. En français, on pourrait traduire par le, souvent dans les traductions et les efforts de traduction des sens du Coran, le Tout-Puissant, le Sage. Et là, donc, quand on a deux noms d'Allah Azzawajal, par exemple, cités de manière conjointe, c'est perfection sur perfection. Pourquoi ? Parce que celui qui détient la puissance, la domination, Al-Qahr, ou Al-Izzah, le Tout-Puissant. Alors, qala, fa'izzatuhu la taqtadi dhulman wa juran wa su'al fi'l. La puissance d'Allah Azza wa Jal, en aucun cas, elle peut impliquer une injustice ou quelque chose de péjoratif. Pourquoi ? Kama qad yakunu min a'izza'i al-makhluqin. Comme ça, ça peut être existant sur les créatures. Par exemple, des créatures qui détiennent une certaine aïza, un certain pouvoir, une certaine domination sur une contrée ou un endroit bien précis sur autrui, eux, ils peuvent avoir une part de puissance, de aïza, de domination. Par contre, celle-ci peut être liée à de l'injustice, peut être liée à du tyrannisme. Mais Allah Azza wa Jal huwa al-aziz, mais aussi al-hakim, le sage, celui qui détient la hikma, la sagesse à l'extrême perfection, subhanahu wa ta'ala. Qala fa inna al-aziza minhum qad ta'khudhuhu al-izzatu bil-ithm fa yadhlimu wa yajuru wa yusi'u at-tasarruf. Donc parmi les créatures, certaines peuvent avoir une certaine puissance, une certaine domination, et là, ils sont pris par l'injustice. Ils font preuve d'injustice et de tyrannisme, comme on le voit sur terre. Tandis qu'Allah Azza wa Jal, qala, wa kadhalika hukmuhu ta'ala, wa hikmatuhu maqrunan bil izzil kamil, bi khilafi hukmil makhluq, wa hikmatihi, fa innahuma ya'tarihima al-dhul. Et c'est pour cela que aussi bien la puissance d'Allah Azza wa Jal est à l'extrême perfection, mais aussi bien la hikmah d'Allah Azza wa Jal, car il est le hakim, le détenteur de la hikmah. Celle-ci est à l'extrême perfection. Parce que l'illah il asma ou le husna. Parce qu'Allah détient l'asma qui sont comment ? Husna. Et husna, on a bien défini le terme dans ce qui a précédé. Pour ça, moi je vais rester sur le terme husna, pour bien vous compreniez. En français, c'est toujours relatif. Qala. Et donc, ça, c'était la première règle. Wadih, la première règle. Maintenant, on peut passer fil qa'ida al-thaniya. Fi al-qa'ida al-thaniya. قال المصنف رحمه الله تعالى أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف. قال أسماء الله أعلام وأوصاف. Donc dans la première règle qu'a cité l'auteur ألا وهو شيخ محمد بن صالح العثيمين, il cite la première règle. Dans la première règle, on a appris, c'est juste le fait d'apprendre, très simplement, que les noms d'Allah sont husna. Tous les noms d'Allah, azza wa jalla. Allah est le vivant. Une vie à l'extrême perfection. Et tous les noms d'Allah, de manière isolée, tous les noms d'Allah sont parfaits. Sont les meilleurs, les plus beaux. Puisqu'on a dit al-husna, c'est ismun tafdil. C'est le mu'annath de al-ahsan. Comme on l'avait expliqué. Ça, c'est la première règle. Al-qa'adatul oula. Vous savez pourquoi moi je le répète aussi? Parce que je révise. Avec vous, j'apprends. Donc il faut moi aussi que je les apprenne, les règles. Et en les répétant, on les apprend. C'est pour ça qu'il ne faut pas se lasser de répéter. El-ilm, le savoir, vient avec la répétition. Avec la répétition. Et c'est pour cela que el-ilm, ça demande de la volonté. Ça demande de la patience. Celui qui pense qu'il va obtenir la science avec le repos du corps, فَلَا يُنَلَ الْعِلْمِ بِرَحَةِ الْجَسَدِ. La science ne pourra point s'obtenir avec le repos du corps. La science, ça demande de la fatigue, ça demande de la répétition, ça demande une bonne attention. Et donc, vous avez vu, c'est un travail sur soi-même. Aussi bien son attention, une fatigue corporelle, aussi bien de l'apprentissage, et comme cela. Et ensuite, si Allah te donne ce savoir-là, cette science-là, c'est une lumière. Ce ilm-là, c'est une lumière. Il y a des gens qui connaissent l'immensité de cette science, qui connaissent la grandeur de cette science. C'est pour ça qu'ils ont parcouru des contrées. Et ils ont fait des voyages. De grands imams parmi nos pieux prédécesseurs ont tout dépensé. Il y a un pieux, parmi les pieux prédécesseurs, il avait même vendu le toit de sa maison pour continuer dans la blame. Il vivait dans une maison, il n'y avait plus de toit. Il y a des grands imams qui avaient reçu des héritages. Ils ont tout dépensé fil ilm. Regardez la vie de l'imam al-Bukhari. Tout pour leur voyage, pour leur apprentissage de la science. Ahmed ibn Hanbal, hadha al-imam. Il faisait ses voyages pour gagner, pour pouvoir voyager. Il portait les effets des gens. Al-Metar. Ce que les gens avaient dans leur voyage, il portait cela pour avoir un peu de gains et pour pouvoir continuer son talab al-ilm et leur périple au talab al-ilm. C'est des voyages qu'ils faisaient. Al-Yom, les gens, ils veulent cette science devant un écran, à l'aise. Il ne faut pas qu'il fasse froid, ni trop chaud, avec leur subsistance, comme si, lorsque certains regardent, sont au cinéma ou autre. Al-Ilm, ce n'est pas ça. Al-ilm, il faut se fatiguer, il faut s'asseoir. Al-ilm, il faut répéter. Al-ilm, nour, c'est une lumière. Regardez l'exemple qu'on a donné de cette femme, Sheikha, d'une savante contemporaine, une femme contemporaine qui a repris le commentaire de Bidayat al-Mujtahid, ce grand livre de Ibn Rushd, en 800 cassettes. Le Sheikh, c'est un Sheikh, on avait dit, de Médine, qui a commenté tout Bidayat al-Mujtahid en plus de 800 assises et 800 enregistrements que vous pouvez retrouver dans la bibliothèque, Wallahu A'lam, de la mosquée de Médine. Et une sheikha, talibat al-ilm, elle a repris les 800 audios et elle les a écrits. Et elle a tout classifié, tout ordonné. Hadi himma. Ça, c'est ça la volonté dans Talab al-Ilm. Elle a tout classifié et c'est sorti là. C'est paru en 15 volumes. En 15 volumes. Elle a pris tout le Sharh Zad al-Mustaqna', Sharh al-Mumta', de Sheikh Ibn al-Athaymin. Dans une édition en 16 volumes. Elle a pris les 16 volumes et elle a tout lu. Bidiqqa. Et elle a tout réuni, elle fait est très important en un seul volume. Elle a réuni les 16 volumes, après un grand travail, elle a réuni cela dans un volume. Comme on avait dit, elle l'a fait pour la grammaire. Elle a des himmas. Ça, c'est une contemporaine. Une sœur, Sheikha, qui a un doctorat fait l'ilm, elle a écrit des livres, elle a plus de 17 livres. Hatta, il est même rapporté qu'elle a un livre Ajib. Elle a écrit dans une question que même de grands tullab al-ilm, des savants n'écrivent pas sur cette question-là. Une question très difficile. C'est l'une des questions les plus dures qu'il y a dans Aqidat al-Tahawiyya. C'est la question Qidam al-Alam wa Tasalsul al-Ahdath. C'est une question très difficile. Que beaucoup de gens se sont trompés. Même des savants, des grands théologiens se sont trompés sur la question. Elle a écrit un livre sur ça. Sur Masalat al-Tasalsul. Tasalsul al-Ahdath wa Qidam al-Alam. Et elle a évoqué les avis des savants anciens et contemporains. Et même ceux qui se sont trompés dans la question. Même ceux qui se sont trompés dans la question. Elle dit himma. C'est pour ça qu'il faut avoir une himma dans talab al-ilm. Al-qa'adat al-thaniya. La deuxième règle qu'évoque le shir. Asma'ullahi ta'ala a'lamun wa awsaf. Après qu'il dit que tous les noms d'Allah azzawajal sont husna, sont à l'extrême perfection, il dit les noms d'Allah azzawajal sont des a'lam. A'lam, c'est-à-dire ce sont des noms propres. Wa awsaf. Qui dénote des attributs. Comme on va le voir. قال المصنف رحمه الله تعالى وهذه القاعدة فيها مبحثان مبحثان المبحث الأول أن أسماء الله أعلام وأوصاف فهي باعتبار دلالتها على الذات أعلام وباعتبار دلالتها على المعاني أوصاف مثال ذلك السميع يدل على الله ويكون بهذا الاعتبار علما يكون بهذا الاعتبار علما لأن ابن مالك رحمه الله تعالى في الله أعلم يشير إلى الألفية يقول اسم يعين المسمى مطلقا علمه قال فتكون علما باعتبار أن السميع متضمن للسمع وأنه يسمع عز وجل كل صوت تكون صفة فهي أعلام وأوصاف أما أسماء غيره الأصل فيها أنها أعلام فقط لا تدل على وصف قال ولهذا نسمي هذا الرجل عبد الله وهو من أكثر عباد الله فهو عالم له وليس وصفا له وهذا باعتبار العبودية الشرعية وإن كان وصفا باعتبار العبودية الكونية ونسمي هذا الرجل عليا على من علي فهو سافل نازل ونسمي خالدا على من علي وهذا وهو ليس بمخلد ونسمي حكيما على من علي وهو من أسفه عباد الله عز وجل ونسمي محمدا على من علي وهو مذمم ونسميه أحمد على من علي وهو أكثر الناس فقد لا يعرفه الحمد ولا يعرف بالحمد فأسماء غير الله أعلام مجردة فقط إلا أسماء النبي فهي أعلام وأوصاف وقد قيل وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد. Donc avant de continuer sur l'explication, c'est très pertinent. Pour cela, je voulais vous faire partager cela premièrement dans la deuxième règle. Vous allez voir, c'est une règle très simple qu'il faut connaître concernant les noms d'Allah. Vous avez pu comprendre que les premières règles sont liées au nom sublime d'Allah Azza wa Jal. Et dit cette deuxième règle, c'est le fait de savoir que les noms d'Allah Azza wa Jal, ce qu'il faut retenir, c'est que les noms d'Allah sont aussi bien des noms propres, mais aussi il y a des awsaf, qui dénotent des attributs, qu'on va mieux comprendre. Et dit donc cette règle, dans cette règle, il y a deux questions fondamentales. Littéralement, il dit, هذه قاعدة فيها مبحثان, deux recherches essentielles et fondamentales. La première, ce qu'il va nous enseigner, ce qu'il faut retenir, c'est que Asma'ullahi a'lamun wa awsaf. Les noms d'Allah, comme on l'a dit précédemment, c'est premièrement des noms propres. Des noms propres, c'est lié à quoi ? Bi'atibari dalalatiha 'ala dhat. Pourquoi ? Lorsque c'est lié à l'essence et l'entité même du Créateur. Lorsque c'est le nom, lorsqu'on parle, on cite le nom, il est lié au Créateur, subhanahu wa ta'ala. Allah se nomme, par exemple, Al-Aziz. Bi'atibari dhat, concernant son entité, l'essence même du Créateur, c'est un nom. Alamun, c'est un nom propre. Bi'atibari dalalatiha 'ala al-ma'ani, maintenant, concernant l'aspect de l'indication du nom lié au sens. Donc on a le nom lorsqu'il est lié à l'essence du Créateur, c'est un nom propre. Mais le nom peut être lié aussi l'aspect lié au sens. Il a le ma'ani. Comme il dit, bi'atibari dalalatiha 'ala al-ma'ani. Awsaf. Ce sont des descriptifs. De sorte, mithal ou dhalik. As-Sami'a. As-Sami'a fait partie des noms sublimes d'Allah Azza wa Jal. Min al-Asma' al-Husna. As-Sami'a. Yadullu 'ala Allah. Donc, As-Sami'a indique le Créateur, c'est-à-dire, il fait partie des noms d'Allah Azza wa Jal, des noms sublimes. Allah s'appelle As-Sami'a. Ya Samir. On peut invoquer Allah Azza wa Jal avec ce nom. Ya Samir. Et regardez ce qu'il dit. Wa yakun bihadha al-i'tibar 'ala man. Ensuite, il va s'appuyer sur un vers qu'on retrouve dans le poème d'Al-Fiyad ibn Malik qu'on va passer. Fatakunu 'ala man bi'tibar anna as-sami' mutadamminun lis-sam'a. Wa annahu yasma'. Mais lorsqu'on appelle Allah As-Sami'a, As-Sami'a c'est celui dont son audience est parfaite, à l'extrême perfection. Allah entend tout, subhanahu wa ta'ala. Donc lorsqu'on dit celui qui entend tout, As-Sami'a, ça dénote quoi ? Ou plutôt ça induit quoi ? Ça sous-entend qu'il a l'attribut de l'audience. As-Sama, ça sous-entend qu'Allah détient As-Sama. Qala وأنه يسمع كل صوت تكون صفة فهي أعلام وأوصاف. Donc les noms d'Allah Azza wa Jal sont des noms propres, mais aussi des notes sous-entendent des attributs de perfection. أما أسماء غيره. Maintenant, les noms des autres, autres qu'Allah Azza wa Jal. Et là, c'est un enseignement très pertinent. Les créatures d'Allah, par exemple, les hommes, par exemple, leurs noms sont des noms propres. Ce sont des noms propres. Ils indiquent le nom propre de la personne faqat. La tadullu ala wasf. Mais ça n'indique pas le descriptif. L'attribut de l'individu. Walihada nusammi. Parfois, une personne peut s'appeler Abdullah. Il s'appelle Abdullah alors qu'il n'est pas soumis au Créateur. Abdullah, c'est l'esclave d'Allah. Abdullah, c'est le serviteur d'Allah. Alors que peut-être Wamin Akfar al-Nas. Peut-être que lui, il fait partie de Akfar al-Nas. Pourtant, il s'appelle Abdullah. C'est juste un nom propre. Pour l'homme, c'est un nom propre. C'est tout. Wada bi'atibar al-ubudiyya shar'iyya wa in kana wasfan bi'atibar al-ubudiyya al-kawniyya. Et là, c'est une très belle faïda. Il dit donc bi'atibar, en ce qui concerne la servitude religieuse, fa Wamin Akfar al-Nas. Mais sinon, il est vraiment Abdullah. Concernant la servitude universelle, al-kawniyya, tous les êtres sont soumis à Allah Azza wa Jal. Bil-amr al-kawni, concernant l'ordre al-kawni, tous les êtres, mu'min wa kafir, tous les êtres, d'une manière générale, sont des serviteurs du Créateur, d'une manière universelle. Mais c'est vrai, selon l'aspect religieux, s'il n'est pas soumis, alors son nom en réalité n'est qu'un nom propre. Il s'appelle Abdullah. Comme il dit, Ali, le nom Ali, c'est le fait d'être élevé. Élevé. Alors il dit, peut-être Wasaf al-Nazil. C'est une personne qui n'est pas de haute moralité. Il n'est pas élevé, cette personne-là. Moi, j'ai rajouté moralité. Mais une personne qui n'est pas élevée. Pourtant, il s'appelle Ali. Pourquoi ? C'est un nom propre. Mais ça n'indique pas forcément descriptif. Ça n'indique pas forcément la qualité. Ça n'indique pas forcément la qualité. Nous sommes mis Khalidan. Khalidan, c'est quoi? C'est celui qui est éternel. Khalid, c'est celui qui est éternel. Pourtant, une personne, on peut l'appeler Khalid, ou alaysa bimukhallad. Il n'a pas la qualité d'être éternel. Khalid. Pourtant, il s'appelle Khalid. Pourquoi? En ce qui concerne l'homme et la créature, c'est juste un nom. C'est juste un nom propre. Même s'il n'a pas la qualité. Dans la deuxième règle, alors Allah Azzawajal, l'auteur plutôt, nous informe au sujet d'Allah que pour Allah Azzawajal, c'est nom propre et aussi il détient les attributs de perfection. Il dit par exemple, Hakiman, Alaman Ali, Hakim, celui qui détient la sagesse. Peut-être une personne s'appelle Hakim, alors qu'en réalité, Wa Asfa Ibadillah, c'est un sot, un homme stupide, sans sagesse. Pourtant, il s'appelle Hakim. C'est pourquoi? Parce que c'est juste un nom propre. C'est un nom propre en ce qui lui concerne. Certains s'appellent Mohammed. Et ça, c'est très bien à savoir. Vous savez pourquoi? Certains s'appellent Mohammed, ils pensent qu'il est sauvé. Certains, ils ont le nom Mohammed, ils pensent que du fait qu'il a le nom du prophète, forcément, c'est une personne bien. Forcément que c'est une personne bien. Là, regardez l'auteur, qu'est-ce qu'il nous dit. Et d'une personne peut s'appeler Mohammed ou Muzammam, en réalité. Mohammed, ça veut dire, en français, Mohammed, c'est celui qui est loué. C'est une personne louable. C'est une personne qui est louable. Et peut-être qu'une personne s'appelle Mohammed, faut pas qu'il pense qu'il est sauvé parce qu'il a le prénom du prophète. Ça ne veut pas dire forcément qu'il est loué, qu'il est louable, que c'est une personne louable. Peut-être que lui, il est Muzammam. Muzammam, c'est l'inverse. C'est une personne blâmée ou blâmable. Une personne, par exemple, qui est née à la Mecque, qui a vécu à la Mecque, ça ne veut pas dire qu'il est sauvé. Al-ard la tuqaddis ahad. Ça ne veut pas dire qu'il est sauvé. Tu t'appelles Mohammed, ça ne veut pas dire que tu es sauvé. Tu es d'origine arabe, la même origine que le prophète Mohammed, ça ne veut pas dire que tu es sauvé. Inna akramakum indallahi atqakum. Le meilleur d'entre vous, c'est le plus pieux, c'est la piété. Et donc, regardez ce qu'il va nous dire encore. Faqad la ya'riful hamd. Alaman ali wa huwa akfar an-nas faqad la ya'riful hamd. Et cette personne qui s'appelle Mohammed, peut-être, il ne connaît pas c'est quoi? Alhamd. Le fait d'être loué et de louer. Wala yu'rafu bilhamd. Et ni il n'est connu pour être louable. Fa'asma'u ghayrillah a'lamun mujarradatun faqat. Illa asma' an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Subhanallah. Il dit donc, les noms d'Allah, ou les noms des gens, ou les noms des gens en dehors d'Allah, azzawajal, leur nom indique leur appellation. C'est un nom propre. C'est un nom propre. Mais pas forcément qu'ils détiennent la qualité. Pas forcément qu'ils détiennent la qualité. Sauf les noms du messager d'Allah. Il dit, Illa asma an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Sauf les noms du messager d'Allah. Fahiya a'lamun wa awsaf. Les noms du messager d'Allah, Einaram. Lui, c'est un nom propre et il a les qualités. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a les qualités. فأسماء الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعلام وأوصاف لأن محمدا عليه الصلاة والسلام سمي بذلك لكثرة محامده ولكثرة خصاله الحميدة وأحمد لأنه أحمد الناس لله عز وجل وأحمد من يحمده الناس. Regardez pourquoi le prophète ensemble s'appelle Mohammed, mais le prophète est appelé aussi Ahmed. Et dans les livres anciens, dans les anciens écrits, le prophète Mohammed a été nommé Ahmed, comme c'est relaté dans le Coran aussi. Ahmed. Ismuhu Ahmed. Pourquoi Ahmed? Regardez, l'auteur nous dit, Asma al-Rasul a'lam wa awsaf. Le prophète, c'est un nom propre et il détient les qualités. Parce que le prophète Mohammed, il s'est appelé, il a été appelé comme ça, les kathrati mahamidihi, pour les nombreuses louanges, éloges sur lui. Il est le loué. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il est louable, sallallahu alayhi wa sallam. Ou li kasrati khisalihi al-hamida, ou bien pour les nombreuses qualités louables qu'il détient. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est loué, il est appelé le loué, si on traduit de manière littérale, Mohammed, le loué, dans le sens, pour les nombreuses qualités louables que le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, détient. Donc si on vous demande, on pose la question, pourquoi votre prophète s'appelle le prophète Mohammed? Et d'ailleurs, c'est le prophète de tous les hommes, de toute l'humanité. Pourquoi s'appelle-t-il Mohammed? Du fait qu'il détient les qualités louables. Et regardez. Wa Ahmadu, liannahu Ahmadu Nas Lillah. Et aussi, il est nommé Ahmed. Vous avez vu, Ahmed, c'est superlatif. Dans le sens qu'il est le plus loué des hommes auprès d'Allah. Le plus louable auprès du Créateur, mais aussi, ça peut sous-entendre aussi Ahmed, men yahmaduhu nas, dans le sens du fait que les gens le louent, vendent ses qualités louables. لا إله إلا الله اللهم رب هذه دعوة التامة والصلاة القائمة محمد. قال المصنف رحمه الله تعالى. Alors lorsqu'on dit قال المؤلف, comme on l'avait dit, c'est aussi bien l'auteur du texte mais l'auteur du commentaire. Très pertinent que l'auteur du متن qu'il a écrit lui-même l'a commenté, شيخ رحمه الله تعالى رحمة واسعة. Regardez le mérite du ilm. L'auteur du livre et l'auteur du commentaire, en ce moment, il est dans sa tombe. Il est mort. Décédé. Et ses écrits, son enseignement, ne cessent d'être enseignés. Subhanallah. On apprend les noms d'Allah Azza wa Jal. On apprend à connaître notre Créateur par les explications de ce noble et illustre savant. Nassallah yaj'ala hadha fi mizan hasanat al-shaykh wa al-sami' wa al-mulqi wa jami'an fi mizan hasanat al-jami' wa nahnu fi ni'ma. Wallahi al-azim, on est dans un bienfait immense. Un bienfait immense. نحن في بيت من بيوت الله نتذاكر كتاب الله ونتذاكر سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نحن في نعمة عظيمة التي لا تعد ولا تحصى. قال المصنف قال وأسماء القرآن كذلك القرآن والفرقان والكتاب كلها أعلام وأوصاف لكن أسماء القرآن داخلة في أسماء الله سبحانه وتعالى قال فالحاصل أن أسماء الله أعلام وأوصاف إلي كتبيا لفائدة قال Déjà là il y a une faïda que j'ai pas traduit parce que ça sera un peu compliqué pour moi de traduire cela pour les arabophones je vous la relis واسماء القرآن كذلك فالقرآن والفرقان والكتاب كلها أعلام وأوصاف لكن أسماء القرآن داخلة في أسماء الله عز وجل moi si vous voulez il y a des choses que je pourrais vous traduire littéralement et des choses que je pourrais pas vous traduire mais je ne traduis pas une chose que je n'ai pas étudiée Cette question-là qui dit, je n'ai pas étudié. Wallahu a'lam, j'ai pas étudié. Donc c'est très difficile d'enseigner une chose qui n'a pas été étudiée. Pourquoi ? Parce que traduire une chose, avant de traduire, il faut connaître le sujet aussi. On ne peut pas traduire une chose, même si on peut traduire littéralement. On peut traduire littéralement, mais si on ne connaît pas le sujet, une traduction nécessite une explication. Et là, Cheikh, il donne une grande faïda. Il dit أسماء القرآن كذلك فالقرآن والفرقان والكتاب كلها أعلام وأوصاف هذه فائدة أنا أول مرة سمعت هذا لكن أسماء القرآن داخلة في أسماء الله تعالى فالحاصل Mais nous ce qui nous intéresse Ce qui nous intéresse au sujet de cette قاعدة Regardez ce qu'il dit فهذه القاعدة هي القاعدة الأصيلة اللغوية الشرعية. Regardez à quoi va nous servir cette قاعدة. Regardez ce qu'il dit. فهذه القاعدة هي القاعدة الأصيلة اللغوية الشرعية. أما المعتزلة فقالوا إن أسماء الله مجرد أعلام لا تدل على وصف. الخلاف مع المعتزلة في هذا الباب. في هذا الباب فعندهم الأسماء مجرد أعلام ولا تدل على وصف ولهذا يثبتون أو يثبتون الأسماء ولا يثبتون المعاني ولهذا قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى مخالف لجميع لغات العالم قال رحمه الله مخالف لجميع لغات العالم فكل العالم العرب وغير العرب إذا أتوا باللفظ المشتق فإنهم يريدون المعنى الذي اشتق منه فلا يقولون للأعمى إنه بصير ولا للبصير إنه أعمى ولا للقوي إنه ضعيف ولا للضعيف إنه قوي فصارت هذه القاعدة تفيدنا في الرد على المعتزلة الذين أثبتوا الأسماء دون الصفات كما سيأتي وإلى هنا انتهينا من دراسة المبحث الأول ثم سيشرح الشارح المبحث الثاني وقال إذن أعلام باعتبار دلالتها على الذات يعني أسماء الله سبحانه وتعالى كما قلنا في هذه القاعدة أعلام وأوصاف أعلام باعتبار دلالتها على الذات وأوصاف باعتبار ما دلت عليه من المعاني وهي باعتبار الأول مترادفة لدلالتها على مسمى واحد وهو الله عز وجل باعتبار الثاني متباينة لدلالة كل واحد منهما على معناه الخاص فالحي والعليم القدير السميع البصير الرحمن الرحيم العزيز الحكيم كلها أسماء لمسمى واحد وهو الله عز وجل لكن معنى الحي غير معنى العليم ومعنى العليم غير معنى القدير وهكذا وإنما قلنا بأنها أعلام وأوصاف لدلالة القرآن عليه كما في قوله تعالى وهو الغفور الرحيم وقوله وربك الغفور ذو الرحمة فإن الآية الثانية دلت على أن الرحيم هو المتصف بالرحمة لإجماع أهل اللغة والعرف أنه لا يقال عليم إلا لمن له علم ولا سميع إلا لمن له سمع ولا بصير إلا لمن له بصر وهذا أمر أبين من أن يحتاج إلى دليل وهذا علم ضلال من سلبوا أسماء الله تعالى معانيها من أهل التعطيل ونكتفي بهذا الكلام وإن شاء الله في حلقة قادمة نواصل الكلام على هذا سائلين الله عز وجل أن ينفعنا بهذا العلم وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة demain inchallah comme on avait promis on va essayer de commencer le livre aussi Sifat al-Salat al-Nabi la description de la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam du même auteur de Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymeen donc j'avais pas commencé parce que l'édition qu'on attendait n'est pas arrivée encore donc demain je vais la commencer à travers un PDF je vais commencer à lire le PDF jusqu'à ce que le livre arrive inchallah et on essaiera dans la semaine de commencer la première partie du cours par Dirasat al-Asma al-Husna, l'étude sur les noms sublimes, wa as-sifat al-Ula, et les attributs de perfection d'Allah Azzawajal. Et en deuxième partie, on essaiera d'étudier la description de la prière du prophète, sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Et juste avant Salat, on a une personne, apparemment, qui est venue se convertir. Subhanallah, on a une conversion. Alhamdulillah, on a une bonne nouvelle. C'est quoi ton prénom? Ah, mashallah. Kevin, mashallah. Donc Kevin est venu se convertir, mashallah. Donc très brièvement, se convertir à l'islam, quand on l'a maintes fois dit, alhamdoulilah, c'est d'attester, il faut affirmer et attester l'unicité d'Allah Azza wa Jalla, l'unicité du Créateur. Lorsqu'on dit ashhadu, c'est un témoignage. C'est pour cela qu'on se doit de le dire avec la langue, bilisan. On témoigne tout simplement qu'il n'y a nul Seigneur adoré véritable, digne d'adoration, si ce n'est Allah. Il n'y a nul ilah, si ce n'est Allah. Et que Mohammed est le messager d'Allah. Si on témoigne de cela, ensuite notre vie, ça doit être un cheminement, c'est œuvrer pour faire que toutes nos adorations soient exclusivement vouées à Allah Azza wa Jalla. C'est-à-dire le fait de réaliser les implications de cette parole et de cette attestation. C'est ça la foi du croyant. C'est ça l'objectif du croyant. C'est au long de sa vie, c'est de réaliser son attestation. La ilaha illallah. La ilaha nafi illa Allah ithbat. La ilaha, c'est une négation, je nie. Le fait qu'il y ait un autre créateur, seigneur, digne d'adoration, si ce n'est Allah Azza wa Jal. Et donc lorsque je dis illa Allah, j'affirme qu'Allah Azza wa Jal est notre créateur, celui qui mérite l'adoration. Je te fais prononcer, Inch'Allah, tu dis ashhadu an la ilaha ilaha ha ilaha ilaha wa très bien mashallah illa Allah wa ashhadu anna Muhammad rasul Allah mashallah. Donc tu m'as dit que tu t'appelais Cédric. Kevin, mashallah. Mais Kevin, tu m'as l'air déjà dans la religion depuis un moment, ou tu sais... Là on a, mashallah, c'est pour ça que, comme on dit, faut pas se fier à l'apparence. Faut pas se fier à l'apparence. On a l'impression que, mashallah, tu... Mashallah, quelqu'un... Même que lorsqu'il est rentré dans la mosquée, pour moi, c'était un... Mashallah, عندك أسلوب طالب العلم. Mashallah, عندك, tu as même l'allure de l'étudiant en savoir. Mashallah. Mashallah, on est vraiment heureux pour toi. On est vraiment heureux pour toi. Tous ceux que tu vois à la mosquée sont tous tes frères. Innamal Allah fait qu'on est tous des frères en espérant qu'on se voie tous au paradis. Imaginez-vous au paradis, on se voit, on se rappelle les moments lorsqu'on apprenait à la mosquée, on se conseillait mutuellement. Imaginez-vous cette félicité éternelle. Et la plus grande félicité, imaginez-vous, et ça fait partie de notre croyance. C'est pour ça que c'est une question de croyance. Le plus grand naïm, la plus grande félicité, le plus grand bien, c'est le fait ensuite de voir Allah. Allah va faire que les gens du paradis le verront. Le verront. Et ça, c'est la plus grande récompense. C'est ce que convoite le croyant. Alors imaginez-vous ces efforts qu'on fait ici-bas et ça va très vite. Un jour, le but, c'est de se rencontrer au paradis, tous ensemble, tous les bien-aimés ensemble. On se rappelle les moments bons et difficiles. C'est pour ça qu'il ne faut pas se diviser. Il ne faut pas se diviser. Pourquoi? Parce qu'au paradis, Allah Azzawajal, avant de rentrer au paradis, on va passer sur un pont, Al-Qantara. Et dans ce pont, Allah Azzawajal, il va enlever toute rancœur aux gens. Parce qu'ils ne vont pas rentrer au paradis en ayant un cœur qui n'est pas salim. On ne peut pas rentrer au paradis si on n'a pas un cœur sain. Au paradis, il n'y a plus de rancune. Il n'y a pas d'arrière-pensée. Il n'y a pas su'adh-dhann, ça n'existe pas. Al-haqd, wal-hased, wal-nifaq, wal-dhil-wajhain. Il n'y a pas ça au paradis. Et donc les savants, ils disent, pour avoir des chances de rentrer au paradis, il faut ici-bas prendre les qualités, les khifal des gens du paradis. Donc ici-bas, c'est dur, hein. Il faut essayer d'avoir au maximum qalbun salim. Qalbun salim, avoir un cœur sain. Il faut essayer d'enlever toute rancœur dans son cœur. Des fois, il y a des gens qui viennent à la mosquée. On est là pour eux, chercher la miséricorde d'Allah Azzawajal. Et on se regarde parfois, un tel ne parle pas avec un tel. Un tel en veut à un tel. Alors que c'est l'inverse. On est tous des frères, mashallah. Il faut s'accueillir les uns les autres. Il faut se passer salam avec un sourire. Il faut s'aimer. Parce que pour terminer, le jour de la rétribution, il y a les prophètes et les martyrs. Ils vont envier une catégorie de gens. Le jour de la rétribution, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, il y aura des gens qui viendront. Lahum manabir min nur yarbituhum al-anbiya. Ils auront des chairs, il y aura des gens dans la résurrection qui seront sur des chairs de lumière. Même les prophètes et shuhada et les martyrs vont les envier. Et ça sera ceux qui s'aimaient pour Allah. Et vraiment, on est heureux pour toi. Et si tu as besoin de quoi que ce soit, si tu as besoin d'orientation, si tu as besoin de conseils, la mosquée est à disposition. On va t'offrir un colis. Inch'Allah, avec des petits fascicules, et tu n'hésites pas, il y a même une attestation pour remplir si tu veux une attestation de conversion, et on est toujours heureux d'accueillir des jeunes convertis. Si tu veux dire une parole, tu peux, si tu veux pas, des fois les gens ont honte un peu. Mashallah, mashallah. ما شاء الله بارك الله فيكم.